بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Donc on va continuer, inshallah, sans plus attendre. Sur la lecture du livre Le monothéisme bénéfique à l'état pur, en implorant Allah Azzawajal de nous accorder la sincérité à travers nos paroles et nos actions. Wabard. On va commencer sans plus attendre à évoquer la troisième catégorie. La troisième catégorie, toujours concernant la question lié aux sagesses à travers les prescriptions divines, à travers les ordres d'Allah Azzawajal et les adorations. Quelles sont les sagesses, les bénéfices de celles-ci, de ces adorations? Donc l'auteur mentionne quatre catégories liées à quatre pensées. Donc quatre catégories liées à quatre pensées. On a étudié la première et la deuxième catégorie en disant qu'un sinf al-awwal, c'était la pensée, la conception de la doctrine al-jibriya, nommée les déterministes. La deuxième, al-qadariya, c'est la pensée et la doctrine de al-qadariya. Ensuite, l'auteur mentionne la troisième tendance, la troisième pensée concernant manfa'at al-ibadat, concernant le bénéfice des adorations. الصنف الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى الصنف الثالث الذين زعموا أن الفائدة أو أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها ثم قال المصنف وهذا يقوله طائفتان إحداهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة فإنهم يزعمون أن العبادات الرياضات لاستعداد النفوس فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده أو الاشتغال بالوارد عنها ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها وهم صنفان أيضا أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمة أو من البهيمية فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين عن طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها انتهى كلامه في الصنف الثالث. Dans la troisième catégorie que mentionne l'auteur, donc cette troisième catégorie concernant leurs pensées et leur conception. C'est-à-dire, l'auteur ici nous enseigne différentes pensées concernant le bénéfice de l'adoration. le bénéfice de l'adoration. Mais comme vous savez, l'auteur, dans les trois premières pensées qu'il va citer, ensuite il va citer la quatrième pensée, la quatrième catégorie. L'auteur, dans ses trois premières pensées, lui, n'adhère pas à ses pensées, comme vous pouvez le comprendre. L'auteur de cette œuvre n'adhère pas à ses pensées. Sauf que, comme les grands théologiens, les grands savants musulmans qui enseignent de telles œuvres, ils expliquent que les savants, parfois, enseignent les choses qu'il ne faut pas, justement, suivre et adopter pour s'en préserver et pour s'en écarter. Donc l'auteur, lui, n'adhère pas à ces trois premières doctrines et ces trois premières pensées qu'il est en train d'énumérer et de citer. Cette troisième, vous allez voir, elle est très étonnante. Cette troisième pensée concernant l'adoration, je vais vous lire d'une manière littérale la traduction de ce que dit l'auteur. Il dit, selon cette tendance, pour eux, l'intérêt de l'adoration, puisque là on est en train de parler, l'intérêt de l'adoration et le bénéfice de l'adoration. Et donc c'est un sujet important, pourquoi ? Parce que pour les croyants et les croyantes, on a été créé pour l'adoration. Donc l'auteur ici a cité et traité différentes questions liées à l'adoration. Et donc dans cette question qu'on est en train de traiter, dont l'auteur mentionne quatre tendances, donc quatre pensées et conceptions, quel est donc l'intérêt de l'adoration ? Dans cette troisième catégorie, leur intérêt, c'est juste de procurer une sorte de gymnastique spirituelle. Pour eux, l'adoration, c'est un riyada. C'est une sorte d'effort spirituel. Une sorte de gymnastique d'un sport spirituel. De sorte de préparer, c'est en vue de préparer, selon eux, l'âme à recevoir le savoir. On va expliquer cela. Ces efforts spirituels pour eux, donc le bénéfice de l'adoration, qui pour eux l'adoration c'est riyada, c'est juste des efforts physiques, le but c'est de préparer l'âme à recevoir l'ilm, à recevoir le savoir, mais aussi à s'épanouir et à sortir de la condition animale et féroce. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que si l'être humain ne pratique pas ses efforts spirituels, ces actions-là, alors il va avoir l'état de l'être féroce. Et son âme va être féroce et bestiale. De sorte, pour cela il est dit, il va pas sortir. Il va pas se séparer de cette âme qui est féroce et bestiale. Et de ses conditions féroces et bestiales. C'est pour ça qu'ils appellent ça Sab'iyya ou Al-Bahimiyya. Et donc, pour sortir de cet état et de ces conditions qui sont animales, et féroces, alors il faut pratiquer l'adoration pour eux. Donc, sans l'adoration, l'homme se rabaisserait au niveau des fauves. Vous avez, pour eux, pour cette conception-là et cette pensée-là, sans l'adoration, l'homme se rabaisserait au niveau des fauves. L'adoration est à même de la rendre intelligente et de préparer le terrain au savoir afin qu'il s'apprenne dans le cœur de l'adorateur. Et donc, de là, l'auteur ensuite va citer deux catégories d'individus qui adhèrent à cette tendance. Donc pour eux, premièrement, pour cette catégorie-là, vous avez pu comprendre que l'ibada, c'est quoi ? Le bénéfice de l'adoration, c'est des efforts, physiques. Des sortes de gymnastique spirituelle, des efforts spirituels pour sortir de conditions animales, féroces et bestiaux. Donc pour eux, ça se résume à ça. Pour eux, c'est ça le bénéfice de l'adoration. Et donc ça, c'est la troisième conception. Regardez, ils disent, dans l'auteur dit, concernant Al-Sinf Al-Thalif, الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم لالتحقت بنفوس السباع والبهائم فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. C'est ce que dit l'auteur. وهذا يقوله طائفتان. Et donc, cela adhère à cette pensée-là, deux tendances, deux catégories. قال, premièrement, ceux qui adhèrent à cette pensée-là, comme vous avez pu le comprendre, ce sont les philosophes. Ce sont des philosophes qui sont dits et décrits, comme le dit l'auteur, les plus proches de l'islam et de la religion. Pour ces derniers, le monde est pré-éternel ou ancien. Il n'y aurait pas de créateur agissant par sa propre volonté, selon eux, selon cette conception-là. La deuxième tendance qui adhère à cela, l'autre tendance s'inspire de la philosophie. S'inspire de la philosophie. Ces adeptes, qui comptent parmi As-Soufiyya, parmi la tendance de As-Soufiyya, et on expliquera, ils assument que l'adoration est une gymnastique spirituelle en vue de préparer l'homme à recevoir les connaissances de l'intellect et pour l'obliger à lutter contre ses habitudes. Contre ses habitudes. L'auteur dit, continue, certains partisans de cette théorie, de cette dernière tendance, ne donnent aucun autre sens à l'adoration. C'est ça le sens pour eux de l'adoration. Une fois son but atteint, l'âme ne saurait plus quoi faire de ces formules de rituel, ce qu'ils appellent al-awrad, al-wird, de ces formules de rituel, trop occupée qu'elle est par l'absorption de son Seigneur. D'autres obligent malgré tout à être assidus au rituel et à ne pas s'en détacher. Là, ils parlent de lorsqu'ils ont atteint l'objectif, de se séparer de ces conditions animales et bestiales. Lorsqu'ils ont atteint cet objectif, alors, est-ce qu'ils continuent? Certains, à ce moment-là, ils pensent, ils considèrent de cette catégorie-là et de cette tendance-là qu'ils ont atteint l'objectif, donc ils arrêtent. Ils arrêtent pourquoi? Parce que l'utilité de l'adoration pour eux a été atteinte. C'était de se préserver de l'âme bestiale et animale et des conditions bestiales et animales. Si l'objectif est atteint, alors ils arrêtent. D'autres, parmi cette tendance-là, adhérant à cette doctrine et à cette pensée, considèrent qu'il ne faut pas délaisser l'adoration. Il faut être assidu au rituel et à ne pas s'en détacher. Ces derniers se subdivisent également en deux catégories. Ceux qui considèrent qu'il faille continuer les rituels, parmi eux, ils se divisent en deux catégories. La première impose des rituels en vue de rester conforme à la loi, en vue de rester conforme à la loi religieuse, tandis que la deuxième catégorie, eux, imposent non pas pour préserver la loi et rester en conformité avec la loi, mais pour préserver le fidèle de retourner à sa condition animale. Pour préserver le fidèle de retourner à sa condition animale. Donc là, ça, c'est deux tendances, deux catégories qui adhèrent au fait qu'il faille continuer les rituels. Là, on va essayer mieux de comprendre avant de traduire la suite du passage. Awalan, comme vous avez pu voir au départ, dans cette doctrine et cette pensée-là, donc l'adoration, ça serait l'utilité et le bénéfice de l'adoration, serait une sorte de gymnastique spirituelle en vue de préparer l'âme à ce qu'on appelle Fayl al-Ma'arif. Il faut préparer l'âme à recevoir al-Ma'arif, ou al-Ulum, ou al-Ilm. Pour eux, l'adoration sert à préparer son âme à recevoir al-Ilm. C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent que si l'individu et fervent dans les adorations, l'utilité de l'adoration ensuite, c'est d'atteindre un niveau où qu'ensuite l'ilm déferle sur lui. Qu'il y a ce qu'on appelle fayd al-ma'arif, le fait que la science viendra à lui et déferlera sur lui. Et eux, ils considèrent que wahada mubasharatan min Allah azza wa jalla. Ils considèrent que cette science-là va venir directement de leur créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que certains savants expliquent qu'ils se sont élevés en degré et se sont considérés encore mieux que les prophètes. Cela implique cela, pourquoi? Parce que les prophètes, ils avaient comme intermédiaire al-malaïka, les anges, pour leur transmettre la révélation. Eux, ils disent par ce biais-là, ils reçoivent direct le savoir d'Allah Azza wa Jal. Et donc, il se passe de l'anbiya. Et donc, de ce fait, il se passe des prophètes et des messagers. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ils reçoivent, ils pensent, ils considèrent, selon cette doctrine et cette pensée, selon cette dérive, hein, cette doctrine égarée, ils considèrent donc que le savoir déferle sur eux, leur vient directement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez lorsqu'il dit, وَاسْتِعْدَدُ عَلِفَيْضِ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ عَلَيْهَا. Et donc, l'adoration servirait à se préparer pour eux à recevoir au déferlement de ce savoir, de ce ilm ou al-ma'arif et des connaissances. Alors certains dirent sur la question, mais d'où leur vient donc hadhihi al-ma'arif, d'où leur viendraient ces connaissances-là? Certains, comme on a dit, قالوا من أين تفيض العلوم والمعارف عليها؟ بعضهم يقول تفيض من العقل الفعال. لا يقولون من الله بل يقولون من العقل الفعال وهؤلاء هم الغلاة الفلاسفة. وقد قلدهم بعض الصوفية ومنهم من يقول إن. Regardez ce que dit l'auteur de Ifadat al-Mustafid. Certains parmi eux, parmi les extrémistes de cette pensée, de cette doctrine, ont traité la question d'où leur vient donc cette science. Eux, ils considèrent que cette science, parmi les plus extrémistes, certains d'entre eux considèrent qu'elle vient d'Allah, que cette science déferle, elle fouille au droit, elle vient directement d'Allah, Azza wa Jal. Mais les plus extrémistes d'entre eux, ils pensent et considèrent que ce savoir-là et ces connaissances-là viendront de l'intellect actif. C'est comme ça, une traduction relative, qu'on traduit al-aql al-fa'al, l'intellect actif. Pourquoi? Parce que pour eux, il y a un intellect passif et un intellect actif dans leur philosophie. Et donc, parmi les plus extrémistes adhérents à cette doctrine-là, ils considèrent donc, si ils adoptent cette sorte de gymnastique spirituelle et ces efforts spirituels, alors va déferler sur eux l'ilm et les connaissances. D'où proviendra-t-elle? Les moins extrémistes, ils considèrent que ce ilm viendra mubasharatan min indillahi azza wa jal, d'Allah, mais al-roulat, parmi eux, les plus extrémistes, wa haoulahum roulat al-falasifa, وقد قلدهم بعض الصوفية ومنهم من يقول إن الفيوضات من الله. Et donc les plus extrémistes, ils pensent que ça viendra de l'intellect actif. De là, c'est de là que eux, à travers leurs adorations, ils disent, nous on adore pas pour être récompensés et ni par crainte du châtiment. Puisque pour eux, l'utilité de l'adoration, c'est quoi? C'est de sortir de l'état animal et de se débarrasser de cet état animal et de ne pas, justement, de se préserver de l'état animal, parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose que l'être a en soi, l'état féroce et animal. Donc c'est de se préserver de cet état et de sortir de cet état. Et donc, le bénéfice de l'adoration pour eux, ce n'est pas de convoiter la récompense, ni de craindre un châtiment, sans le E. تعوقهم عن العبادة وطالب العلم يعوقنا عن العبادة يقولون ولسنا بحاجة إلى طلب العلم فنحن إذا صفينا نفوسنا نزل علينا العلم من الله من دون طلب العلم وهكذا يفعل الشيطان من بني آدم إلا من رحم الله عز وجل إلا من رحم الله عز وجل Et regardez dans l'explication. C'est pour cela qu'on comprend que les adeptes de cette doctrine n'étudient pas le savoir, ils n'étudient pas la science, ils ne font pas ce qu'on appelle talab al-ilm, la quête du savoir. Pourquoi? Parce que pour eux, le savoir déferle sur eux. À quel moment? Lorsqu'ils vont faire des efforts, et cette sorte de gymnastique spirituelle, lorsqu'ils vont faire ces efforts spirituels, les adorations, ils considèrent qu'à un moment donné, l'ilm et les connaissances et le savoir leur viendra. Les moins extrémistes parmi eux, on a dit qu'eux, ils considèrent que ce ilm-là déferlera sur eux et viendra de la part d'Allah Azzawajal directement. D'Allah directement. Pour les plus extrémistes, ils considèrent qu'elle vient de l'intellect actif, ce qu'ils appellent aql al-fa'al. Et donc pour eux, c'est pour cela qu'il n'y a pas de faïda. Pour eux, c'est pour cela qu'ils considèrent qu'il n'y a pas d'utilité d'apprendre. Il n'y a pas d'utilité. Et bien plus encore, ils interdisent d'apprendre. Et pour eux, c'est ضياع الوقت. Pour eux, c'est une perte de temps. C'est un ضياع d'apprendre l'ilm. Pour eux, c'est une perte de temps. Mais pour eux, il faut l'effort spirituel. L'effort spirituel. De sorte que s'ils atteignent un niveau, alors ensuite, cette science-là, ensuite leur parviendra directement. Alors c'est pour cela qu'ils peuvent rester dans des salles sombres, dans le noir, à attendre, à faire ce qu'ils appellent ces efforts spirituels, en pensant que le savoir va leur parvenir. Et ils disent, en fait, pour eux, l'apprentissage du ilm les détourne de leur gymnastique spirituelle. Ça les détourne. Et pour eux, il faut atteindre le niveau justement pour pas que l'âme soit bestiale et animale. Et donc, pour sortir de ces conditions-là et de se préserver de cette condition-là, pour eux, il faut se concentrer sur ces efforts-là spirituels. C'est ça leur conception de l'adoration. Pour eux, pour cette catégorie-là, leur conception de l'adoration, c'est cela. Et donc, ils disent لسنا بحاجة إلى طلب العلم ونحن إذا صفينا نفوسنا نزل علينا العلم. Et pour eux, ils disent que si on arrive à purifier nos âmes, descendra sur nous l'ilm et déferlera sur nous l'ilm et la connaissance. Vous avez vu lorsque l'auteur dit واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها. C'est ça que l'auteur veut dire lorsqu'il dit ils font cet effort spirituel en vue de préparer l'âme à recevoir le savoir, à s'épanouir et à sortir de sa condition animale et féroce. Lorsqu'il dit wa khuruj quwwaha min quwwa an-nafs as-sab'iyya wal bahimiyya. As-sab'iyya nisbat ila as-sib'a. Pourquoi ils disent l'état as-sab'iyya? C'est lié au terme as-sib'a, les animaux féroces. L'âme bestiale, féroce. Fa hum yaquluna in al-insan fi tabi'ati as-sab'iyya. Eux ils considèrent que l'être humain, dans sa nature, a une part de sab'iyya. A une part de sab'iyya. Selon certains aspects, ça là, le fait que l'être humain a une part bestiale et animale, par exemple, Et Sebeïa aussi, ce sont les animaux féroces, selon un certain aspect, Naram, selon un certain aspect, l'être humain, il a l'amour, lorsqu'il ne maîtrise pas son âme, il peut avoir l'amour de diriger, de dominer. Dès l'auteur va dire, il y a des caractéristiques. L'être humain, parfois, il a des caractéristiques animales. Il veut dominer. Il veut la suprématie. Il veut l'élévation. Il veut le contrôle d'autrui. L'être humain, parfois, a ses envies, ses désirs de pouvoir, de contrôle, ce qu'ils appellent il veut dominer autrui. Ça, c'est une nature animale. Ça, c'est une nature animale. Et de l'autre côté, et aussi, il a des caractéristiques bestiales. De sorte, les bestiaux, en général, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est assouvir leur shahawat ou leur rabat. Ils veulent assouvir leurs envies et leurs plaisirs. Et leurs désirs. C'est ça. L'âme bestiale, qu'est-ce qu'elle veut? Assouvir ses plaisirs et ses désirs. ولكن إذا من الله عليه بالإيمان ذهبت عنه هذه الصفات الذميمة. Mais en réalité, ces caractéristiques-là qu'un être humain peut avoir, l'envie et l'amour de dominer autrui, l'envie et l'amour d'être supérieur à autrui, l'envie et l'amour d'avoir un certain pouvoir, un certain contrôle sur autrui, l'envie et l'amour de maîtriser autrui. Aussi l'aspect shahawat, les plaisirs et les désirs, que l'âme convoite ses désirs, c'est il veut assouvir ses désirs et ses plaisirs, qui fait partie de nature, c'est les caractéristiques bestiales, par exemple. Mais ça, lorsque Allah Azzawajal octroie la foi à l'individu, octroie l'iman, ces mauvaises caractéristiques, elles s'en vont. Pourquoi? Parce que le croyant, lui, qui se rapproche de son Seigneur et qui croit en Allah Azzawajal, lui se détache de ses mauvaises caractéristiques, de vouloir dominer les autres, de vouloir avoir un contrôle sur les autres, de vouloir maîtriser autrui, de s'élever par rapport aux autres. Ça fait partie des comportements du croyant. Ça fait partie du comportement des croyants. Donc ça réfute déjà leurs pensées et leurs doctrines. فالسبعية يقول العلماء هي الطغيان والتسلط والتكبر l'orgueil aussi fait partie de cela كالسباع والبهيمية هي التي هي الشهوانية ولا يكون الإنسان هم إلا نيل شهواته. Donc celui par exemple dont son âme vaut juste assouvir ses désirs, ses plaisirs, c'est une âme bestiale. C'est une âme bestiale. Mais le croyant, avec la foi, avec le bon comportement, il arrive à se détacher de cela. Lakin pour eux, فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم. فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول. فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا كلام الصوفية والفلاسفة. Et donc, ils avaient compris que cette doctrine, c'est la doctrine de Soufia, des partisans du soufisme et des philosophes. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il y a des siècles de cela, à un moment donné, le soufisme s'est mélangé à une forme de philosophie. Et donc, à un moment donné, le tasawwuf, Soufia, se sont mélangés et ont adhéré à une forme de philosophie. Et donc, la philosophie a été juxtaposée dans la pratique de As-Sufiyya. As-Sufiyya à un certain moment. Avant cela, il y avait As-Sufiyya qui n'était pas lié avec la philosophie. Jusqu'à un moment donné, est née une catégorie de soufis qui ont adhéré à la philosophie, al-falasifa. Et c'est pour cela qu'il dit kalam As-Sufiyya ou al-falasifa. Et donc ça, c'est leur pensée concernant le bienfait et l'utilité De l'adoration. De l'adoration. Alors, on a dit parmi eux, deux catégories adhèrent à cette pensée. Deux catégories adhèrent à cette pensée. Il y a les philosophes les plus proches de l'islam. Les plus proches de l'islam, pourquoi ? Parce qu'il y a des philosophes non religieux. Et des philosophes, ensuite, certains musulmans, lorsqu'ils ont adhéré à la philosophie, c'est eux qui sont considérés là, les philosophies les plus proches de l'islam et de la religion. Pour ces derniers, malgré tout, le monde est prééternel. Ceux qui adhèrent à cette pensée-là, ils considèrent que le monde est prééternel. Pour ces derniers, le monde est prééternel ou ancien. Ou ancien, il n'y aurait pas de créateur agissant par sa propre volonté. Même Arnahada, c'est ce qu'il nomme. ومن يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم. C'est ça qu'on traduit قدم العالم par l'éternité ou prééternel, que ce monde soit prééternel. Même Arnahada, مثل قدم العالم, lorsqu'il considère certains philosophes proches de l'islam, قدم العالم, il veut dire هذا العالم, en réalité il est prééternel. Dans le sens, qidam al-alam, il n'a pas de bidaya, il n'a pas de début. Pour eux, le monde a toujours existé, ce qui est contraire à la pensée musulmane, ce qui est contraire à la croyance des musulmans. Mais pour eux, qidam al-alam, c'est que le monde est prééternel. وَهَذَا الْعَالَمْ لَمْ يُجَنْ نَتِيجَ أَنَّ لَهُ خَالِقْ أَوْجَدَهُ بَعْدَ الْعَدَمْ. Et pour eux, donc, ils nient le fait qu'il y a un créateur qui ait donné existence à ce monde après qu'il était, alors qu'il était néant, alors que ce monde n'existait pas. Mais pour eux, فَالْعَالَمْ قَدِيمُ مِنَ الْأَصْلِ. Mais pour eux, ces philosophes-là, ceux qui adhèrent à cette philosophie-là, ils considèrent que le monde est prééternel. قِدَمْ الْعَالَمْ. Donc le monde est, n'a pas de début. فَالْعَالَمْ هَذَا لَيْسَ لَهُ بِدَيَا. Ta'ala, ta'ala Allah, amma yakulun. Et Allah est au-dessus de ce qu'ils disent. Et ça, hadha kufr. Et ça, c'est de l'incrédulité. Le fait, de la mécréance, le fait de penser qu'il n'y a pas un créateur qui a donné existence à ce monde et à cet univers. Donc pour eux, d'où viendrait le monde? Ils reviennent encore à l'intellect actif. Pour eux, ça serait al-aql al-fa'al. Ce monde, pour eux, d'où proviendrait-il? Le créateur de ce monde, al-aql al-fa'al. C'est l'intellect actif dans une traduction relative. L'intellect actif. Al-muhim. Après, on ne peut pas s'étendre sur ce sujet puisque c'est très long. C'est de la philosophie. Et donc, pour traiter de la philosophie, il faut avoir déjà des bases. Il faut avoir de grandes bases en philosophie pour comprendre déjà leur conception de al-aql. Qu'est-ce qu'elle racle? Et lorsque vous revenez dans des livres d'anciens philosophes qu'ils nomment des philosophes musulmans, comme Al-Farabi, par exemple, qui était le maître du célèbre Avicenne, Ibn Sina, déjà dans leurs livres, ils considèrent qu'il y a différents racles. Ils vont expliquer les neuf, ensuite la dixième. Et que l'acle fa'al sera le dixième. Et donc pour eux, il y a toute une philosophie tout autour du aql et de al-uqul. Et c'est très long, selon leur philosophie et leurs explications. Mais beaucoup, ensuite, de savants, parfois de grands savants musulmans, dans les siècles précédents, lorsque cette philosophie, ensuite, a pénétré le monde musulman, ensuite elle a été traduite, beaucoup ont été éblouis, ont été fascinés, ont été admiratifs de cette philosophie. Donc beaucoup ensuite ont commencé à regarder, ont commencé à s'approfondir, ont été éblouis, ils ont été fascinés par cette philosophie-là. Donc ils ont commencé à s'approfondir. Jusqu'à ce que certains grands théologiens de siècles précédents ensuite, qui disent qu'ils ont atteint des océans, ils ont pénétré des océans. Et ils ont passé des années à méditer cela, à réfléchir sur ces théories. Et à la fin de toutes ces années, après qu'ils disent qu'ils ont pénétré des océans, ils ont conclu, Satan fait des conclusions, ils ont dit qu'en fait, ça ne servait à rien. Et que tous ceux qui ont été absorbés par cela, fascinés, en admiration de cela, à la fin, le résultat et la conclusion, ça aboutit à mettre le doute en eux. C'était ça la finalité. La finalité, c'est qu'ils sont tombés dans le doute. Dans le doute. Donc ils ont pensé s'instruire, ils ont pensé atteindre des océans dans le savoir et la science, mais en réalité, ça n'a procuré que du doute en eux. Ils se sont procurés du doute. Et dans d'autres termes, ici, l'auteur, ce qu'il explique, c'est la doctrine et leur pensée concernant l'utilité de l'adoration. Donc pour eux, quelle est l'utilité de l'adoration? C'est une sorte de gymnastique spirituelle. C'est pour se préserver de l'état animal et bestial, et aussi pour que la science déferle sur eux, sans qu'ils aient besoin d'apprendre, sans qu'ils aient besoin de chercher, sans qu'ils aient besoin de comprendre, d'accéder à la connaissance. Pour eux, la connaissance et le savoir viendra à eux en pratiquant cette sorte de gymnastique et ces efforts spirituels. Donc, vous pouvez voir que c'est une aberration. L'utilité de l'adoration, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça, l'utilité de l'adoration. Et donc, l'auteur, les savants ensuite expliquent, l'auteur, pourquoi il a mentionné ces trois premières doctrines et pensées concernant l'adoration? C'est pour justement s'en écarter et pour justement se préserver de ces pensées-là. Puisque le bénéfice et le bien et l'utilité de l'adoration n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Allah Azzawajal nous a créés pour l'adorer et l'utilité de l'adoration n'est pas celle-ci. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux, arrivés à un moment, lorsqu'ils atteignent des degrés, c'est pour ça qu'ensuite qu'ils arrêtent. On a dit parmi eux ceux qui voient qu'il faille continuer. Qu'il faille continuer. Nous, à Célidon, si on a compris donc la pensée, cette théorie-là, on va pouvoir passer à la quatrième. On va pas trop s'attarder dessus. On va pouvoir passer à la quatrième. Et vous avez vu, pour la troisième doctrine ou pensée, celle-ci qu'on vient d'expliquer, on voit que le but et l'utilité de l'adoration, elle n'a pas été comprise, en réalité. Elle n'a pas été comprise. Et regardez cette très belle parole que l'auteur avait dit concernant la deuxième aussi doctrine, lorsqu'il dit Wa غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف أي كلفوا بها ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. Vous avez vu dans cette très belle parole que l'auteur a dit pour la deuxième catégorie, lorsqu'il dit la deuxième catégorie, lorsque l'auteur dit, pour un sinf, ou plutôt la première catégorie, on a dit c'est la doctrine de ceux qui nient qu'il y ait à travers ou derrière les prescriptions divines, les adorations, des sagesses, ou des causes, ou un objectif. Mais c'est juste observer l'ordre. Et c'est juste lié à la volonté du Créateur. Juste lié à la volonté du Créateur. Regardez cette très belle parole que dit l'auteur. Il dit, et eux, la majorité, ne trouvent pas, ne goûtent pas à la douceur de l'adoration. C'est pour ça que l'auteur enseigne cela dans son œuvre. Enseigne cela dans son œuvre. C'est que le croyant, du fait qu'il adore son Créateur, il doit avoir une bonne conception de l'adoration. Une bonne conception de l'adoration. Vous voyez la pertinence ici du sujet. Puisqu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi l'auteur traite de ce sujet-là? Pourquoi? Parce que le musulman, ce qu'il y a de plus important dans sa vie, c'est quoi qu'il veut réaliser? C'est le culte. C'est l'adoration de son créateur. Allah dit qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent. Que pour qu'ils l'adorent. Et bien sûr, Allah Azzawajal a mis à notre disposition toutes les choses licites dont on a droit de jouir. Mais le but et l'objectif pour lequel l'homme a été créé, c'est pour adorer le Créateur. Donc, le croyant, lui, quelle est sa conception de l'adoration? Le croyant, pour qu'il goûte à la douceur de la foi, pour qu'il goûte au plaisir de l'adoration de son Créateur, il doit avoir une bonne conception de celle-ci. Il doit avoir une bonne pensée et savoir quelle est l'utilité de cette adoration. C'est pour cela que l'auteur nous enseigne cela. C'est très important. Pourquoi? Parce que beaucoup qui n'ont pas compris le but et les bénéfices de l'adoration n'ont pas goûté à la douceur de l'adoration et au plaisir de l'adoration et au délice de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et donc, souvent, pour comprendre la bonne pensée, c'est avec des exemples, c'est avec le contraire qu'on arrive à comprendre. Pourquoi les savants enseignent le bien? Lorsqu'on connaît le bien, on va connaître le mal. Et donc, on pourra éviter le mal. Lorsqu'on connaît le bien, on connaît la valeur du bien, on va connaître la corruption du mal. Et comme cela. Donc, parfois, c'est avec les contraires qu'on comprend. C'est avec les contraires qu'on comprend. قال المصنف رحمه الله تعالى الصنف الرابع. Et là, vous comprenez maintenant la quatrième catégorie qu'il va citer, la quatrième pensée qu'il va citer concernant toujours l'utilité. Quelle est l'utilité de l'adoration pour le croyant? Quelle utilité? Là, il va mentionner la vie juste et la bonne conception du croyant et du musulman. Il va mentionner la bonne conception et la bonne pensée concernant l'adoration. قال المصنف رحمه الله تعالى الصنف الرابع وهم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب والسبب فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد أنا الوسادة سكن الإخلاص القلب قال المصنف رحمه الله تعالى في الصنف الرابع قال وهم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها قال وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات كارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والإعطاء بالجود فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا ومصدرا ومرادا استقام له معرفة الحكمة أو معرفة حكمة العبادات وغايتها وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها فالعبادة قال هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها كما قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يوثب ولا يعاقب وهما تفسيران صحيحان فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها وحقيقة العبادة امتثالهما ولذلك قال الله جل وعلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقال جل وعلا وخلق الله السماوات والأرض بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياض لمخالفة العوائد وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لأن محبتهم من تمام محبته وليست كمحبة vous avez quoi vous il met quoi أنا في سقف أنا في الله إيش قال هو من اتخذ بقي الألف إذن فقال فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه من أجله وفيه أو لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لأن محبته من تمام محبتي وليست كمحبة من اتخذ من دوني أندادا يحبهم